ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نوري مشوار. On s'est arrêté la dernière fois sur. On a parlé de ce qui s'est passé durant le trajet vers Tabouk. C'est que Tabouk, c'est vers le nord de Médine, vers les frontières de la Syrie. Parce que le prophète sallam, sa destination c'était Tabouk pour aller combattre qui? Pour aller combattre Héraql, Qaisar al-Rom, les Romains, Ahl Kitab, les mécréants parmi les gens du livre. Et on a évoqué différents événements durant le trajet. Et durant ce trajet, c'est-à-dire avant même d'arriver à Tabouk, à la région de Tabouk, parmi les événements qui se sont passés, c'est que la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'égara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté en un lieu avec les croyants et sa chamelle, il s'égara. Et tout le monde est allé à sa recherche, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam entouré des compagnons. Parmi ses compagnons, il y avait un qui s'appelle Imarat ibn Hazm, un fidèle, Badrit, un homme qui a participé à Badr et qui a participé au pacte d'allégeance de l'Aqaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a révélé qu'un homme a dit que Mohammed prétend recevoir l'information du ciel alors qu'il ne sait même pas où se trouve sa chamelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à ses compagnons. Il y avait parmi eux, comme j'ai dit, le Imar ibn Hazm radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué, il a dit, par Allah, je ne sais que ce que mon Seigneur m'a fait connaître. Je ne connais pas l'invisible, je ne connais pas le rêve. Et Allah vient de m'indiquer sa place maintenant. Allah vient de m'indiquer la place de la chamelle. Elle se trouve dans telle vallée, tel sentier, et sa bride est accrochée à tel arbre. Partez, ramenez-la-moi. Et Imar ibn Hazm, radiallahu anhu, il est revenu voir ses compagnons. Et parmi ses compagnons se trouve l'hypocrite même qui a dit cette phrase. Il a dit, Mohammed, il prétend recevoir le wahy, la révélation du ciel, alors que sa chamelle s'est égarée, il ne sait même pas où elle se trouve. Cet hypocrite était un compagnon de. C'est l'homme qui a. Il était le compagnon de voyage de Imar ibn Hazm. Et Imar ibn Hazm, quand il est retourné dans sa tente, il a dit à ses compagnons, il a dit, c'est extraordinaire, il a dit, l'envoyé d'Allah, il vient de nous révéler le dire d'un homme qui a prétendu telle et telle chose. Et puis l'un des compagnons s'est levé, il dit, par Allah, c'est Zayd ibn al-Usayd qui a dit ça, l'hypocrite. Il a dit, c'est Zayd ibn al-Usayd qui a dit ça. Et Imar ibn Hazm, il a saisi cet hypocrite par la nuque et il cria devant les compagnons, Ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, vers moi serviteur d'Allah, j'ai un diable dans mon camp sans que je m'en rende compte. Parce qu'il a été, il l'a accompagné durant tout ce trajet-là, il ne savait pas que c'était un hypocrite. Il a dit, dégage, éloigne-toi de moi, tu ne me tiendras plus jamais compagnie. Hadith, il est rapporté par, hadith sahih, rapporté par Al-Bayhaqi ibn Ishaq. Donc, comme j'ai dit, c'était une guerre contre les hypocrites. La bataille de Tabouk, après on va découvrir que finalement il n'y avait même pas de confrontation avec les Romains. Mais c'était une guerre. Tous les versets, la majorité des versets qui ont été révélés à cette occasion, ils parlent, c'est une réponse aux hypocrites. Dans Sourate Bara'a, Sourate Tauba. Bien sûr, ça c'est une preuve que le prophète ne connaît pas l'invisible. La ya'lamul ghaib. Prophète sallallahu ne connaît pas le futur, il ne connaît pas l'invisible. Il ne connaît que ce qu'Allah lui a fait connaître. قل لا أملك لنفسي ضرا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. الله يقول في سورة الأعراف الآية 188 ni profit, ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Si je connaissais le futur, je connaissais l'inconnaissable, je ne tomberais pas dans le trou qui a, dans les trous qui ont été dans les pièges de Abi Amr durant la bataille de Uhud. Hein? J'éviterais les obstacles. Mais preuve que le prophète sallam ne connaît pas l'inconnaissable, ne connaît pas le ghaib. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. Allah dit dans sourate al-jin que le seul connaisseur de le ghaib, de l'invisible, il ne montre pas cette connaissance à ses créatures sauf ceux qu'il a élus comme prophète. Des fois Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a informé le prophète de la venue de l'antéchrist, du paradis, de l'enfer, de certaines choses, de la rencontre, des batailles qui vont être dans l'avenir. Donc ça, c'est une partie de l'invisible. Mais c'est Allah qui a fait connaître le prophète, qui l'a informé. Donc le prophète, il ne connaît pas l'invisible. Donc si lui il ne connaît pas l'invisible, le cheikh, le marabout, Madame Soleil, ils connaissent l'invisible. Ils ne connaissent pas l'invisible. Le fait de croire que quelqu'un il connaît le ghaib, ça veut dire que tu l'as égalé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cet attribut-là et tu es tombé, tu risques de tomber dans le cercle. Tu l'as associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours durant ce trajet-là, le prophète sallam est arrivé à Wadi al-Qura. Wadi al-Qura, ça vous rappelle quelque chose? Après le Ghazwat al-Ahzab, la bataille des coalisés, les juifs de Wadi al-Qura qui ont payé le jizya, le tribut au prophète. Arrivé à Wadi al-Qura, ils rentrèrent dans un jardin qui appartient à une femme. Et jardin de palmiers, il y avait de dattiers. Et les dattes ne sont pas encore mûres. Et le prophète, il a dit à ses compagnons, estimez la quantité de ces dattes. Estimez, c'est combien de kilos, combien... Et le prophète, il a estimé ce qu'on dit en arabe, Ashar Awsaq, 10 Awsaq. Le wasaq, c'est 480 poignées. 480 poignées de dattes. Le prophète, il a estimé les dattes encore accrochées aux arbres. Et il a dit à la femme, quand on revient, parce qu'il va encore au nord, vers Tabouk, quand on revient, on va te voir et tu lui dis la quantité exacte de ta récolte. Hadith, il est rapporté par le Bukhari, 1481. Et puis le prophète, quand il s'avança, il dit, cette nuit, un vent violent va souffler. Quand ce vent violent va souffler, que personne ne se lève. Et avant, déjà, accrochez les brides de vos chameaux. Accrochez bien attachez bien les brides de vos chameaux parce qu'ils risquent d'être traînés par ce vent-là. Et la nuit, Abu Humeid, le rapporteur du hadith, Abu Humeid Sa'idi, a dit un vent violent a soufflé et un homme se leva. Il ne s'est pas conformé aux recommandations du professeur. Et le vent, il l'a emporté jusqu'à une montagne de taille, c'est-à-dire à plusieurs kilomètres. Il a volé. Pourquoi il a désobéi au prophète sallam? Hadith, comme j'ai dit, rapporté par le Bukhari. Et sur le chemin, toujours du Tabouk, dans la vallée, une vallée qui s'appelle la vallée de l'Mushaqqaq, il coulait un filet d'eau. Un filet d'eau. Et c'est un filet d'eau à peine suffisant pour désaltérer deux ou trois personnes. Et le prophète sallam, il a dit à ses combattants, demain, c'est Allah, inshallah, si Allah le veut, vous arriverez à la source de Tabouk. Vous n'y parviendrez qu'après le lever du soleil. Que ceux qui arriveront d'abord n'en boivent pas. Il ne faut pas qu'ils prennent de cette eau avant que je n'y sois arrivé moi-même. Mais les deux des compagnons, ils sont arrivés à la source et ils burent de cette source. Et lorsque le gros de l'armée parvint à cette source, il ne coulait plus qu'un filet d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui a bu de cette source? Et les gens qui ont bu se sont manifestés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réprimandés sévèrement. Il les a réprimandés sévèrement, puis il demanda de recueillir le peu d'eau qui existe dans cette source, dans le creux des mains, et de le mettre dans un récipient, et un bol. Et les compagnons ont fait ça, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé le visage et s'est lavé les mains et tout. Et puis du reste, des gouttes qui sont tombées de son visage et qui sont retombées dans le récipient, il les a mis dans la source. Il a jeté le reste de l'eau dans la source. Et l'eau, il a jailli, subhanallah. L'un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'eau, il a jailli en abondance, les compagnons, ils ont bu. Ils ont rempli leurs outres et ils sont désaltérés, rafraîchis. Et le prophète sallam se tourna ensuite vers Mu'ad, radiallahu anhu, qui est le rapporteur du hadith rapporté par l'imam Muslim et par l'imam Malik dans son Muwatta'. Il lui dit, il se peut que tu vivras aussi longtemps et que tu verras cette région se transformer en vallée riche en herbes et riche en champs, en jardin. Et cette prophétie s'est accomplie. Ça veut dire que Mu'ad, il a vu cette vallée se transformer en jardin. Selon Ibn Ishaq, selon d'autres versions, que le prophète sallam a réprimandé ces deux hommes-là et il a dit, s'ils n'ont pas touché à cette source, elle serait devenue une eau coulante, une rivière, carrément. Ce n'est pas seulement une source qui a jailli, mais elle va se transformer en rivière. Mais ces deux hommes ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas coulé en rivière cette source-là. Maintenant, arrivé à Tabouk, Tabouk c'est vers le nord, comme j'ai dit, et voilà qu'apparaît à l'horizon qui une silhouette d'un cavalier, d'un homme sur sa monture. Et avant même qu'on puisse vraiment l'identifier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, soit Abu Khaitama. Et les compagnons, quand ils le virent s'approcher, ils disent, oh là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment Abu Khaitama. Et il salua le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda des excuses, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'excusa. Et avant, il dit, Aoula alaka, Abu Khaitama, Aoula alaka. Il a dit, t'as failli te perdre. Parce que Abu Khaitama, on sait qu'il était en retard. Il est resté à Médine et c'est des jours plus tard qu'il s'est réveillé quand il a vu ces deux femmes, deux belles femmes, chacune dans une cabane, ils lui ont rafraîchi l'eau, ils lui ont préparé chacune un bon repas. Quand il a vu ça, puis il a eu un moment de réflexion, il a dit, moi, entre deux belles femmes, de l'eau fraîche, une bonne nourriture, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous le soleil, sous un soleil brûlant, et des vents chauds, ce n'est pas juste ce que je suis en train de faire. Et puis il dit à ses femmes, par Allah, je ne vais pas rentrer, il faut me ramener ma monture et préparer mes armes, je vais rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un repentir, subhanallah, regardez cette réflexion et ce repentir, il lui a donné de la volonté quand il a pris la route vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dormait même pas la nuit. Nuit et jour, il marchait. C'est comme si ça a touché son cœur, ça a réveillé son cœur. Des fois, le péché, il peut changer la foi de la personne. Quand on se repent, on devient plus fort. Comme a dit Ibn al-Qayyim, il a dit, des fois, quand on se repent d'un péché, on devient plus guéri qu'avant. C'est quand quelqu'un est malade, des fois, quand il prend un médicament, il devient plus fort qu'avant. Ou quand quelqu'un, par exemple, il buvait de l'alcool et qu'il s'est repenti, il devient plus fort qu'avant, c'est-à-dire qu'il gagne une bonne santé. De même, le repentir là, il s'est repenti d'un péché et il est devenu peut-être plus fort que beaucoup d'autres compagnons. Quelle est cette volonté qui te pousse à marcher jour et nuit et peut-être à pleurer dans la route et à demander des excuses et à s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala? Il a passé, sallallahu alayhi wa sallam, il a passé 20 jours à Tabouk, mis à part les allers et les retours. 20 jours, juste à Tabouk, il a passé 20 jours. C'est le hadith du Jabir, rapporté par l'imam Ahmed, d'Abd al-Razak ou Abu Daoud et par d'autres. Hadith authentifié par l'imam Nawawi. Puis une des nuits de Tabouk. Une des nuits de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des nuits de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour faire Qiyam al-Layl. Et des compagnons se mirent derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des gardiens qui assurent, les gens qui assurent la garde la nuit. Ils étaient derrière lui sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière, et puis il s'est tourné vers ses compagnons, et il dit, Allah m'a donné cinq choses, cinq privilèges, cinq choses qu'il n'a pas données au prophète avant moi. Avant moi, il envoyait les prophètes chacun à sa communauté, et moi, il m'a envoyé à tout le monde. Rasulullah, ilaykum jami'a, je suis l'envoyé d'Allah à vous tous en totalité. Deuxième chose, Allah m'a triomphé sur l'ennemi en inspirant la frayeur dans son cœur. Il emplit son cœur de frayeur avant que je parvienne à lui d'une distance de 30 jours de marche, sallallahu alayhi wa sallam. La frayeur. Avant qu'il ne rencontre l'ennemi, l'ennemi il tremble. C'est une arme redoutable, la frayeur. Quand l'ennemi il est touché de frayeur, ça y est, s'il est dans un tank ou dans un avion, ça y est, il perd le contrôle de tout. Et il a dit, Allah m'a autorisé le butin, le ghanaim, dans le jihad. Il m'a autorisé le butin. Ceux avant moi ne le mangeaient pas. Ceux avant moi ne mangeaient pas le butin. Ils le brûlaient. Les prophètes avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils faisaient le jihad et tout, ils ne prenaient pas ce butin, ils le brûlaient. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la terre tout entière est pour moi un lieu de prière et une matière de purification. D'accord? Là où la prière, elle sonne, toujours la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là où la prière, elle est annoncée, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je m'essuie contre la terre et je fais ma prière. Ça, s'essuie contre la terre, ça veut dire tayammum. D'accord? Et alors que ceux avant moi, ils priaient dans leurs églises et dans leurs oratoires. La cinquième, Allah m'a dit, demande ce que tu veux. Et tout prophète a demandé ce qu'il a voulu, et ma demande, je l'ai laissée pour le jour de la résurrection. C'est, shafa'at Rasul sallam, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va intercéder en faveur de celui qui témoigne, la ilaha illallah. Hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et par l'Haythami et les hommes de la chaîne des rapporteurs sont des hommes sur Hadith Sahih. Donc ça, les cinq choses, les cinq privilèges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre nuit à Tabouk, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il fut réveillé au milieu de la nuit. Il fut réveillé au milieu de la nuit. Puis il a vu une lumière dans un endroit du camp. Puis il s'est dirigé pour voir cette lumière. Puis il a vu le prophète sallam dans un trou comme ça. Il a creusé une tombe. Et Abu Bakr et Omar. Le prophète sallam il est au fond de ce fossé-là. Et il demande à Abu Bakr et Omar, il dit, passez-moi votre frère. C'était Zulbijadayn, radiyallahu anhu. Un des compagnons, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a enterré. Et c'est qui passait le mort? C'était Abu Bakr ou Omar. Quel est ce grand mérite? Ibn Mas'ud, quand il a vu ça, il a dit, dussé-je être l'homme qui est dans cette pose? Dussé-je être à sa place? Subhanallah. Et Zulbijadin, son histoire, c'était comment? C'est il a été tellement séquestré par les koufars quand il était à Médine qu'il ne trouvait même pas un vêtement pour s'habiller. Et il a pris une couverture et il l'a coupée en deux. Il a utilisé la couverture, la moitié comme rida, il a couvert le corps, le dessus, et l'autre couverture comme ezar, il a couvert le bas. Et il a émigré vers Médine. Il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallam, il a vu, quand les compagnons l'ont vu dans cet état, ils ont dit, Zulbujadin, ça veut dire aux deux couvertures. L'homme aux deux couvertures. Il s'appelle Abdullah ibn al-Bujadin al-Muzani. Hadith, verset rapporté par Ibn Kathir et par Ibn Hisham. Toujours à Tabouk, le prophète sallam, il envoyait Khalid ibn Walid radiallahu anhu à la tête de 420 hommes. À Ukaydir ibn Abd al-Malik. C'était le roi de Dawmat al-Jundul. Dawmat al-Jundul, c'est encore plus au nord. On a parlé d'une des sariyas, des expéditions qui a été envoyée, que le prophète sallam a envoyé à Dawmat al-Jundul. Mais il n'y avait pas eu de confrontation, il n'y avait pas eu de confrontation avec l'ennemi. L'ennemi, il a pris la fuite. Là, le prophète sallam, il a envoyé Khalid, 420 hommes. À Ukaydir. Et c'est un village qui fait partie de Wad al-Qura, la vallée des villes. Et il est dominé, ce village-là, il est dominé par un fort nommé maire de résidence de Ukaydir. Ukaydir, c'est un chrétien. C'est l'un des alliés de Héraql. On sait que les Arabes, en dehors de Médine, en dehors de la Mecque, il y a des Arabes qui sont des alliés de Héraql, on les appelle les Rassanides, c'est les Arabes christianisés. Et il y a d'autres qui sont alliés à Khosrowès, qui sont les Mundirites. Un groupe d'Arabes alliés à une puissance et un autre allié à une puissance. Comme ce qui s'est passé, un groupe allié aux États-Unis, puis l'autre groupe allié à l'Union soviétique de l'époque. C'était deux puissances qui régnaient, comme ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils étaient christianisés. Ukaydir ibn Abd al-Malik, c'était un arabe christianisé. Khalid ibn Walid, il a dit comment atteindre cet homme. Il est dans le territoire de Anmar et de Kalb. Ça veut dire que des tribus qui sont encore ennemies des musulmans. Donc il se peut qu'il va demander de l'aide de Anmar, de la tribu de Anmar et de Kalb, et ils vont se joindre à lui, ils vont nous combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu vas le surprendre. Tu vas le surprendre en train de chasser l'antilope. Et Khalid, il est parti avec sa troupe et arrivé à proximité du fort. Le fort, un grand palais, au Ukaydir en train de se rafraîchir. C'était une nuit de pleine lune avec sa femme. Ils regardaient d'un balcon, leur jardin et tout. Et puis, des antilopes sont venues près de la porte du palais et commencèrent à frotter leurs cornes contre la porte du palais. Et puis, Ukaydir, il a dit, la femme de Ukaydir, il a dit, regarde, regarde. Il a vu, lui, il est... C'est un chasseur d'antilopes, c'est-à-dire il est touché par... Et sa femme lui a dit, il ne faut pas laisser échapper une occasion pareille. Il a dit, non, je ne vais pas laisser échapper cette occasion. Puis il a demandé à ses vizirs, ceux qui sont ses gardiens, et ils lui ont scellé un cheval, et puis il est sorti. Il est sorti, il a ouvert la porte, il est sorti avec son frère qui s'appelle Hassan. Et puis, les antilopes ont pris la fuite, et puis... Ils furent reçus par toute la cavalerie de Khalid ibn Walid. Sans guerre, sans rien du tout. Il est sorti, il est tombé dans le piège. Il s'est retrouvé devant Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid le prit comme prisonnier. Les autres, les gardiens, quand ils ont vu Khalid ibn Walid et les 420 hommes, ils se dispersèrent et prirent la fuite et retournèrent au palais. Ils s'enfermèrent dans le palais. Khalid, il a pris la tunique de Ukaydir, le roi de Dawmat al-Jundul, il lui a pris, et puis après il l'a emmené jusqu'à Médine. C'était à la fin du Tabouk qu'il l'a emmené jusqu'à Médine et au Qaïdar il a signé un compromis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était qu'il doit lui payer le jizya, le tribut, comme un impôt qu'il doit le payer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en gardant sa religion. Mais maintenant, il doit soumettre aux lois de l'islam. Maintenant, Héracle, il commence à perdre le terrain. Héraclius, ça y est, les tribus arabes qui étaient sous sa tutelle, ça y est, ils commencent à se soumettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il resta chrétien. Et il offrit un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est plus tard, c'était à midi. Il lui offrit une tunique. Et Anas, radiallahu anhu, il rapporte que les croyants l'ont palpé. Ils étaient impressionnés par sa beauté, par la beauté de cette tunique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hadith rapporté par Muslim, il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, les essuie-mains de Sa'd ibn Mu'adh au paradis sont mieux que cette tunique. Il les rappelle le delà. Il ne faut pas être tenté par les choses d'ici-bas. Une tunique pareille, brodée d'or, de perles, Sa'd ibn Mu'adh, il ne fait que s'essuyer les mains et la jeter. Et par la suite, bon, au Qaïdar, il est resté sous la tutelle du prophète, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'avènement d'Abu Bakr radiallahu anhu, au Qaïdar, il a dénoncé le pacte. Il a rompu le pacte. Il n'a pas voulu payer le jizya. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, lui a envoyé une troupe. Il lui a envoyé Khalid ibn Walid. Et il l'a assiégé. Il l'a assiégé et il fut tué à l'intérieur de son palais. Toujours à Tabouk, le chef de Aïla. Maintenant, une autre région qui dépendait des Romains. Le chef de Aïla, il s'appelle Yuhanna ibn Ru'ba. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé de lui-même voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu tellement peur, il a cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envahir sa ville. Et il est allé le voir et conclut avec lui un pacte. Et il payera lui aussi le jizya, le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith 1392, Abu Hamid Saïd, rapporté par l'imam Muslim. Il paiera un tribut, l'imam Muslim rapporte qu'il paiera un tribut de 300 dinars. Et le pacte, il fut rédigé comme suit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah et Muhammad le prophète, l'envoyé d'Allah, garantissent par cet acte la sécurité de Ru'ba. Ru'ba, c'est une région. C'est le roi, c'est le chef. Et les habitants de Aïla. Aïla, c'est la région, et le roi, c'est Yuhanna ibn Ru'ba. C'est écrit dans le pacte que leurs navires et leurs caravanes sont en sécurité, et ils ont la protection d'Allah et du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin de la version qui est du pacte qui est rapportée par Ibn Ishaq. Les habitants de Azruh et de Zorba, ça, c'est des deux villes qui se trouve près de la Palestine. Ça y est, c'est au cœur de Shem, au cœur du royaume de Héracle, des Romains. Ces deux villes, les chefs de ces deux villes vinrent se soumettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, on va payer le jizya. Parce que si la personne paye le jizya, ils gardent leur religion, mais ils se soumettent aux lois de l'islam. Et ils se sont convenus à verser 100 dinars et 100 onces d'argent ou d'or. C'était à chaque mois de Rajab. La version rapportée par Ibn Ishaq et par Al-Bayhaqi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda de rédiger un message qu'il va envoyer à Héracle. Et puis il a dit à ses compagnons, qui prend ce message-là et le donne à Héracle de Rome. Et il aura en échange, il aura le paradis. Puis un homme se leva, des compagnons, il a dit, envoyé d'Allah, mort au vivant, il aura le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mort au vivant, il aura le paradis. Il dit, donne-moi ce message. Et il est allé, il a trouvé Héracle, il l'a trouvé à Beit al-Maqdis, ce qu'on appelle Jérusalem. On dit Beit al-Maqdis, on ne dit pas ce terme-là. Il le trouva à Beit al-Maqdis. Ils le trouvaient à Beit al-Maqdis, il y avait un cortège, ils ont étalé un grand tapis, un long tapis, sur lequel doit marcher que Héracle. Et cet homme-là a jeté le message devant Héracle. Et Héracle a pris le document et il dit qui est le propriétaire de ce document. S'il se montre, il est en sécurité. Et le compagnon se montra. Et il fut convoqué au palais de Héracle, de Caïsar. Et Caïsar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les portes de son palais et demanda à son héros de crier. Il a dit, Caïsar, là, celui qui doit appeler, il a dit, Caïsar a suivi Mohammed et a abandonné le christianisme. Et aussitôt le palais, il fut entouré de son armée. Coup d'état. Toute son armée, il se retournait contre lui. Et puis, Héracle s'est adressé au compagnon, à l'émissaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vois-tu, voilà, j'ai peur pour mon royaume. Et puis après, il demanda à son héros d'annoncer que Caïsar est satisfait de vous et qu'il n'a dit ça que pour éprouver votre foi et éprouver votre courage. Et c'est un examen, c'est juste un test. Et le hadith est rapporté par Ibn Hibban dans Mawarid al-Dam'an 1628 et c'est un hadith dans l'Isnad et Sahih. Héracle, qu'est-ce qu'il a fait? Caïsar, il veut s'assurer davantage que vraiment c'est un prophète, bien que le prophète lui a envoyé le message et il a posé les questions à qui? À Abu Sufyan et tout. Il veut s'assurer encore davantage et il a dit à l'un de ses chefs sur les Arabes christianisés, il lui dit, ramène-moi quelqu'un qui connaît très bien la langue arabe et qui a une bonne mémoire. Un homme intelligent et tout. Et on lui fait ramener l'homme qui lui-même raconte l'histoire à l'un des tabi'ites qui s'appelle Saïd ibn Abi Rashid. L'histoire, elle se trouve dans Musnad de l'Imam Ahmed, avec un assez bon isnad, avec une assez bonne chaîne de rapporteurs, et il se trouve également dans Ibn Kathir, chez Ibn Kathir dans Bidayah al-Nihaya, et il est rapporté également par le Haytami. Héracle lui dit, voilà, il appela l'homme et lui dit, prends ce message et donne-le à cet homme, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et garde en mémoire ce qu'il va dire. Et s'il t'échappe quelque chose, n'oublie surtout pas trois choses. N'oublie pas s'il va évoquer le message qu'il m'avait envoyé. Le message qu'il a envoyé avec l'émissaire, c'était qui? C'était Dihya al-Kalbi, radiallahu anhu. Avec le message. Et dis-lui, et quand il va lire mon message à moi, est-ce qu'il va évoquer la nuit? Le terme nuit. Et regarde s'il y a quelque chose de spécial entre ses épaules. L'émissaire arrivé à Tabouk, il trouva le professeur Sallam assis près d'un point d'eau, les compagnons autour de lui. Et puis le professeur Sallam, il donna la lettre au professeur Sallam, et le professeur Sallam lui dit, tu es originaire d'où? Il dit, je suis de Tanour, une région qui s'appelle Tanour, chrétienne. Il a dit, pourquoi n'embrasses-tu pas l'islam, religion de ton père Ibrahim? Et l'homme, il a dit, je suis dans une religion que je ne désire pas abandonner, avant que je revienne vers les miens. Après, je peux me décider, mais maintenant, je ne peux pas faire. Et le prophète sallam a souri, il a dit, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Lui qui connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. Il a dit, frère de Tanour, quand il a vu que cette personne est intelligente, il parle couramment l'arabe et tout, il a voulu l'attirer vers l'islam. Puis il a dit, frère de Tanour, j'ai envoyé un message à Khosroès, à Kisra, et il l'a déchiré. Et Allah va l'anéantir, lui et son royaume. Et effectivement, Allah a anéanti. Nous maintenant, on ne parle pas de Kessa. Ça y est, c'est une histoire. Et il a dit, j'ai envoyé une lettre au Négus et il l'a brûlée. Et Allah va l'anéantir lui et son royaume. Bien sûr, ce négus-là, ce n'est pas Ashama. Ashama, il est mort musulman. Hein? C'est lui qui a hébergé Ja'far ibn Abi Talib et les autres compagnons du prophète sallam lors de la première émigration de la Mecque vers l'Abyssinie. Muslim, c'est un musulman, le premier. Ce négus-là, non, il est mécréant. Parce que le message a été envoyé après la mort du négus. Vous rappelez-vous, quand Prophète sallam, il a réuni les compagnons, il a dit « Votre frère est mort » et il a fait la prière sur lui, « Salat al-janaza al-ghaib ». Donc, celui-là, c'est un mécréant. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Allah va l'anéantir, lui, son royaume ». On n'entend plus parler maintenant du négus. Et il a dit, j'ai écrit à ton compagnon, ça veut dire Héraclès, les Romains. Lui, cependant, a gardé ma lettre. On a parlé de ça, on a dit qu'il l'a mis dans une canne en or, le message du prophète sallam. Et ce message-là, il est encore dans le musée de Grande-Bretagne, le message du prophète sallam. Oui, il est encore avec le cachet du prophète sallam, le sceau du prophète sallam. Il a dit, lui, cependant, a gardé ma lettre. Les gens redouteront toujours son pouvoir tant qu'il y a du bien dans cette vie. Ça veut dire que les Romains auront toujours le pouvoir. Et durant toute l'histoire, les croisades et tout, ils ont toujours gardé le pouvoir. Jamais leur royaume n'a été anéanti carrément comme pour Cosroès ou Négus. D'accord ? Jusqu'à maintenant, l'Europe, elle est chrétienne. La religion de l'Europe, c'est les Romains, c'est les héritiers des Romains. L'émissaire, il a dit, ah, voici une des trois choses que m'a recommandé mon compagnon. Il a dit, parce que Héraclès lui a dit, est-ce qu'il va évoquer le message? Et il a sorti son épée comme ça, et sur la poignée en cuir de son épée, il a marqué la réponse. Il a marqué ça. Puis le prophète sallam donna la lettre à Muawiyah radiallahu anhu pour la lire. C'était l'un des scribes du prophète sallam. C'était de ceux qui écrivent la révélation et c'était le secrétaire du prophète sallam. Il donna la lettre à Muawiyah. Et puis dans le message est écrit, tu m'as appelé vers un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Où se trouve donc l'enfer? Question posée par Héraclès. Et le prophète sallam a dit, subhanallah, si le jour arrive ou si le jour vient, où se trouve la nuit? Si le jour il arrive, où se trouve la nuit? Allah, il est capable d'alterner le jour, il est capable de mettre l'enfer dans un endroit et de mettre les cieux et la terre dans un endroit. Donc il a évoqué le terme nuit. Parce que Héraclès a dit, regardez ce qu'il va évoquer, le terme nuit. Parce que Héraclès est un connaisseur de la Bible. Donc il a des signes. La Bible, elle a été falsifiée, d'accord. Mais il y a toujours certaines versions qui sont authentiques. Il y a un mélange. D'accord. Et puis l'émissaire, il écrivit, le frère de Tanour, il écrivit ceci sur la poignée de son épée. Et quand il termina la lettre, la lecture de la lettre, le prophète sallam, il a dit, tu as un droit sur nous, tu es un émissaire, et on aimerait bien te récompenser, mais comme tu le vois, on est en voyage, on est dans une expédition. Et là, un homme se leva et chercha dans ses bagages, et il sortit une belle tunique, et il la donnait à cet homme, à cet émissaire. Et l'émissaire, il demanda, il dit, c'est qui cette personne? Il lui dit, Othman. Et puis le prophète sallam, il a dit, c'est qui va héberger cet homme? Et un jeune des Ansar a dit, moi, envoyé d'Allah, je vais l'héberger. Et il le prit avec lui, ils marchèrent quelques pas, et puis le prophète sallam a dit, Akha Tanour, viens, frère de Tanour, viens. L'émissaire, il est revenu comme ça, et puis le prophète sallam, il dévoila son dos. Il a dit, ce qu'on t'a recommandé. Et il s'est tourné et il a regardé le sceau de la prophétie. Et l'émissaire qui raconte l'histoire à ce tabi'i, Abi Hamid Sa'idi, il lui a dit, j'ai oublié ce que m'a recommandé Héraclès. J'ai oublié cette troisième chose. Et il a vu le sceau de la prophétie. Hadith rapporté par Imam Ahmad, c'est un hadith authentique. Donc après s'être rassuré, Héracle, il a réuni les évêques, les hommes politiques et tout. Maintenant, il a dit, on ne va pas lui payer le jizya, on ne va pas lui payer le tribut, on ne va pas rentrer dans sa religion. Il a dit, il vaut mieux qu'on ne le combat pas, c'est un prophète. Et il a renoncé, il a demandé son armée à ne pas combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Tabouk 20 jours. 20 jours. Maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dominé sur même les Arabes christianisés, ceux qui étaient sous la tutelle de Héracle, ils sont rentrés, soit qu'ils sont rentrés à l'islam, soit qu'ils se sont soumis aux lois de l'islam. La terre maintenant de l'islam s'est élargie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, il a dit, il a demandé de lever le camp et de retourner à Médine. Donc c'est une victoire. C'est une victoire déjà morale contre Héracle. On est là, on est près de toi, on est à Tabouk. Viens si tu es capable de nous combattre. Et deuxième chose, c'est qu'il lui a pris les villes environnantes jusqu'en Palestine. Adrouh et Jarba, ils sont près de la Palestine. Et ils sont soumis aux lois de l'islam et ils payent le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'armée musulmane, il leva le camp pour retourner à Médine victorieuse. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Wa kafallahu al-mu'minin al-qital. Arrivé à Wadi al-Qura, il retrouva qui? Il rentra dans le jardin de la femme. La femme qui avait il a déjà récolté les dates. Et il lui a dit, donne-moi la quantité exacte des dates que tu as... Que tu y as accueilli. Il a dit, que tu as récolté. Il a dit 60 awsar, 480 poignées. Exactement ce qu'a estimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Hadith, comme j'ai dit, hadith apporté par Muslim 1392 et par Al-Bukhari sous le chapitre de la zakat 1481. Bien sûr, cette méthode elle a été utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Abu Bakr et Omar. Ça veut dire qu'il envoyait les hommes pour récolter la zakat et ils vont dans les jardins ou dans les champs et ils estimaient la quantité. Une estimation. Peut-être ils estimaient la quantité pour que les gens, quand ils payent la zakat, ils ne donnent pas moins. D'accord? Donc, c'est des estimations que... Cette méthode a été utilisée par les deux califes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hypocrites, maintenant. On a parlé, on a dit que les versets, que c'était finalement une guerre contre les munafiqin, contre les hypocrites. Les hypocrites ne s'attendaient pas à cette victoire, à ce retour victorieux. Ils croyaient que Héracle va dépêcher une grande armée, qu'ils vont combattre les compagnons, que le prophète peut battre en retraite, peut être mis en captivité. Et eux, pleins de rage, quand ils ont vu sans résultat, les résultats qu'ils s'attendaient, ils ne les ont pas trouvés, ils étaient pleins de rage et puis ils commencèrent à se moquer des Qurra, des récitateurs du Coran. Il dit ces récitateurs de Coran, on n'a jamais vu des gens plus peureux que dans le combat. Et plus ignobles qu'eux. Et plus menteurs qu'eux. Subhanallah. Commencèrent à se moquer des récitateurs de Coran, les savants parmi les compagnons. Et un homme qui était dans la réunion des hypocrites a dit à l'hypocrite qui a dit ça, il a dit, c'est toi plutôt le menteur. Je vais informer l'envoyé d'Allah de ce que tu as dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla, يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dit, ironisez, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Et si tu les interrogeais, il dirait très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets, et de son messager que vous ironisez, ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien mécru après la croyance. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Ibn Omar radiallahu anhu, il rapporte, il a dit, j'ai vu l'homme accroché à la selle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses pieds traînaient par terre, et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous faisions que bavarder et jouer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Il a dit, est-ce d'Allah, de ses versets, de ses envoyés, de son messager que vous ironisez? Ça veut dire, le fait de se moquer, c'est un acte de mécréance. Hadith rapporté par Ibn Abi Hatim, dans Tafsir, et dans Tafsir Tabari également. Donc, se moquer d'Allah et de son envoyé est un acte de kufr, est un acte de mécréance. Allah, il a dit, « La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. » Vous avez mécru après votre croyance. Donc, c'est un acte de mécréance. Inch'Allah, la suite bientôt. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.